Chapitre 2. Charmion, pressentant une confidence, fit une mine d'assentiment douloureux et se rapprocha de sa maîtresse. « Je m'ennuie horriblement, » reprit Cléopâtre en laissant pendre ses bras comme découragé et vaincu. « Cette Égypte m'anéantit et m'écrase. Ce ciel avec son azur implacable est plus triste que la nuit profonde de l'Erèb. Jamais un nuage, jamais une ombre, et toujours ce soleil rouge, sanglant, qui vous regarde comme l'œil d'un cyclope. Tiens, Charmion, je donnerais une perle pour une goutte de pluie. » De la prunelle enflammée de ce ciel de bronze, il n'est pas encore tombé une seule larme sur la désolation de cette terre. C'est un grand couvercle de tombeaux, un dôme de nécropole, un ciel mort et desséché comme les momies qu'il recouvre. Il pèse sur mes épaules comme un manteau trop lourd. Il me gêne et m'inquiète. Il me semble que je ne pourrais me lever toute droite sans m'y heurter le front. Et puis ce pays est vraiment un pays effrayant. Tout y est sombre, énigmatique, incompréhensible. L'imagination n'y produit que des chimères monstrueuses et des mouvements démesurés. Cette architecture et cette art me font peur. Ces colosses que leurs jambes engagées dans la pierre condamnent à rester éternellement assis, les mains sur les genoux, me fatiguent de leur immobilité stupide. Ils obsèdent mes yeux et mon horizon. Quand viendra donc le géant qui doit les prendre par la main et les relever de leur faction de 20 siècles? Le granit lui-même se lasse à la fin. Quel maître attendent-ils donc pour quitter la montagne qui leur sert de siège et se lever en signe de respect? De quel troupeau invisible ces grands sphinx accroupis comme des chiens qui guettent sont-ils les gardiens pour ne fermer jamais la paupière et tenir toujours la griffe en arrêt? Qu'ont-ils donc à fixer si opiniâtrement leurs yeux de pierre sur l'éternité et l'infini? Quel secret étrange leurs lèvres serrées retiennent-elles dans leur poitrine? À droite, à gauche, de quelque côté que l'on se tourne, ce ne sont que des monstres affreux à voir, des chiens à tête d'homme, des hommes à tête de chien, des chimères nées d'accouplements hideux dans la profondeur ténébreuse des syringes, des Anubis, des Typhons, des Osiris, des éperviers aux yeux jaunes qui semblent vous traverser de leur regard inquisiteur et voir au-delà de vous des choses que l'on ne peut redire. Une famille d'animaux et de dieux horribles, aux ailes écaillées, aux becs crochus, aux griffes tranchantes, toujours prêts à vous dévorer et à vous saisir si vous franchissez le seuil du temple et si vous levez le coin du voile. Sur les murs, sur les colonnes, sur les plafonds, sur les planchers, sur les palais et sur les temples, dans les couloirs et les puits les plus profonds des nécropoles, jusqu'aux entrailles de la terre où la lumière n'arrive pas, où les flambeaux s'éteignent faute d'air, et partout et toujours, d'interminables hiéroglyphes sculptés et peints, racontant en langage inintelligible des choses que l'on ne sait plus et qui appartiennent sans doute à des créations disparues. Prodigieux travaux enfouis, où tout un peuple s'est usé à écrire l'épitaphe d'un roi. Du mystère et du granit, voilà l'Égypte. Beau pays pour une jeune femme et une jeune reine. L'on ne voit que symboles menaçants et funèbres. Des pédomes, des taux, des globes allégoriques, des serpents enroulés, des balances où l'on pèse les âmes. L'inconnu, la mort, le néant. Pour toute végétation, des stèles bariolées de caractères bizarres. Pour allées d'arbres, des avenues d'obélisques de granit. Pour sol, d'immenses pavés de granit, dont chaque montagne ne peut fournir qu'une seule dalle. Pour ciel des plafonds de granit. L'éternité palpable, un amer perpétuel sarcasme contre la fragilité et la brièveté de la vie. Des escaliers faits pour des enjambées de titans que le pied humain ne saurait franchir et qu'il faut monter avec des échelles. Des colonnes que 100 bras ne pourraient entourer. Des labyrinthes où l'on marcherait 1 an sans en trouver l'issue. Le vertige de l'énormité, l'ivresse du gigantesque, l'effort désordonné de l'orgueil qui veut graver à tout prix son nom sur la surface du monde. Et puis, Charmion, je te le dis, j'ai une pensée qui me fait peur, Dans les autres contrées de la terre, on brûle les cadavres et leur cendre bientôt se confond avec le sol. Ici, l'on dirait que les vivants n'ont d'autre occupation que de conserver les morts. Des baumes puissants les arrachent à la destruction. Ils gardent tous leur forme et leur aspect. L'âme évaporée, la dépouille reste. Sous ce peuple, il y a 20 peuples. Chaque ville a les pieds sur 20 étages de nécropole. Chaque génération qui s'en va fait une population de momies à une cité ténébreuse. Sous le père, vous trouvez le grand-père et l'aïeul, dans leur boîte peinte et dorée, tels qu'ils étaient pendant la vie. Et vous fouilleriez toujours que vous en trouveriez toujours. Quand je songe à ces multitudes emmaillotées de bandelettes, à ces myriades de spectres desséchés qui remplissent les puits funèbres et qui sont là depuis 2000 ans, face à face, dans leur silence que rien ne vient troubler, pas même le bruit que fait en rampant le ver du sépulcre, et qu'on trouvera intact après 2 autres 1000 ans, avec leurs chats, leurs crocodiles, leurs ibis, tout ce qui a vécu en même temps qu'eux, il me prend des terreurs, et je me sens courir des frissons sur la peau. Que se disent-ils, puisqu'ils ont encore des lèvres, et que leur âme, si la fantaisie lui prenait de revenir, trouverait leur corps dans l'état où elle l'a quitté? L'Égypte est vraiment un royaume sinistre, et bien peu fait pour moi, la rieuse et la folle. Tout y renferme une momie. C'est le cœur et le noyau de toutes choses. Après 1000 détours, c'est là que vous aboutissez. Des pyramides cachent un sarcophage. Néant et folie que tout cela. Éventrez le ciel avec de gigantesques triangles de pierre, vous n'allongerez pas votre cadavre d'un pouce. Comment se réjouir et vivre sur une terre pareille, où l'on ne respire pour parfum que l'odeur âcre du naphte et du bitume qui bout dans les chaudières des embaumeurs, où le plancher de votre chambre sonne le creux parce que les corridors des hypogées et des puits mortuaires s'étendent jusque sous votre alcôve. Être la reine des momies, avoir pour causer ces statues roides et contraintes, c'est gai. Encore si pour tempérer cette tristesse, j'avais quelque passion au cœur, un intérêt à la vie. Si j'aimais quelqu'un ou quelque chose, si j'étais aimée. Mais je ne le suis point. Voilà pourquoi je m'ennuie, Charmion. Avec l'amour, cette Égypte aride et renfrognée me paraîtrait plus charmante que la Grèce, avec ses dieux d'ivoire, ses temples de marbre blanc, ses bois de laurier rose et ses fontaines d'eau vive. Je ne songerai pas à la physionomie baroque d'Anubis et aux épouvantements des villes souterraines. Charmion sourit d'un air incrédule. Ce ne doit pas être là un sujet de chagrin pour vous, car chacun de vos regards perce les cœurs comme les flèches d'or des roses lui-même. Une reine, reprit Cléopâtre, peut-elle savoir si c'est le diadème ou le front que l'on aime en elle? Les rayons de sa couronne sidérale éblouissent les yeux et le cœur. Descendue des hauteurs du trône, aurais-je la célébrité et la vogue de Bachide ou d'Archénassa, de la première courtisane venue d'Athènes ou de Milet? Une reine, c'est quelque chose de si loin des hommes, de si élevé, de si séparé, de si impossible. Quelle présomption peut se flatter de réussir dans une pareille entreprise? Ce n'est plus une femme, c'est une figure auguste et sacrée qui n'a point de sexe, et que l'on adore à genoux sans l'aimer, comme la statue d'une déesse. Qui a jamais été sérieusement épris d'air aux bras de neige, de Pallas aux yeux verts de mer? Qui a jamais essayé de baiser les pieds d'argent de Thétis et les doigts de rosée de l'aurore? Quel amant des beautés divines a pris des ailes pour voler vers les palais d'or du ciel? Le respect et la terreur glacent les âmes en notre présence, et pour être aimé de nos pareils, il faudrait descendre dans les nécropoles dont je parlais tout à l'heure. Quoiqu'elle n'élevât aucune objection contre les raisonnements de sa maîtresse, un vague sourire errant sur les lèvres de l'esclave grec faisait voir qu'elle ne croyait pas beaucoup à cette inviolabilité de la personne royale. « Ah !» continua Cléopâtre, « je voudrais qu'il m'arrivât quelque chose, une aventure étrange, inattendue. Le chant des poètes, la danse des esclaves syriennes, les festins couronnés de rosée et prolongés jusqu'au jour, les courses nocturnes, les chiens de Laconie, les lions privés, les nains bossus, les membres de la confrérie des inimitables, les combats du cirque, les parures nouvelles, les robes de byssus, les unions de perles, les parfums d'Asie, les recherches les plus exquises, les somptuosités les plus folles, rien ne m'amuse plus. Tout m'est indifférent, tout m'est insupportable. » On voit bien, dit tout bas Charmion, que la reine n'a pas eu d'amant et n'a fait tuer personne depuis un mois. Fatiguée d'une aussi longue tirade, Cléopâtre prit encore une fois la coupe posée à côté d'elle, y trempa ses lèvres, et mettant sa tête sous son bras avec un mouvement de colombe, s'arrangea de son mieux pour dormir. Charmion lui défit ses sandales et se mit à lui chatouiller doucement la plante des pieds avec la barbe d'une plume de paon. Le sommeil ne tarda pas à jeter sa poudre d'or sur les beaux yeux de la sœur de Ptolémée. Maintenant que Cléopâtre dort, remontons sur le pont de l'Acange et jouissons de l'admirable spectacle du soleil couchant. Une large bande violette, fortement chauffée de tons roux vers l'occident, occupe toute la partie inférieure du ciel. En rencontrant les zones d'azur, la teinte violette se fond en lilas clair et se noie dans le bleu par une demi-teinte rosée. Du côté où le soleil, rouge comme un bouclier tombé des fournaises de Vulcain, jette ses ardents reflets, la nuance tourne au citron pâle et produit des teintes pareilles à celles des turquoises. L'eau, frisée par un rayon oblique, a l'éclat mat d'une glace vue du côté du thym ou d'une lame damasquinée. Les sinuosités de la rive, les joncs et tous les accidents du bord s'y découpent en traits fermes et noirs qui en font vivement ressortir la réverbération blanchâtre. À la faveur de cette clarté crépusculaire, vous apercevrez là-bas, comme un grain de poussière tombé sur du vif argent, un petit point brun qui tremble dans un réseau de filets lumineux. Est-ce une sarcelle qui plonge? Une tortue qui se laisse aller à la dérive? Un crocodile levant pour respirer l'air moins brûlant du soir le bout de son rostre squameux? Le ventre d'un hippopotame qui s'épanouit à fleur d'eau? Ou bien encore quelques rochers laissés à découvert par la décroissance du fleuve? Car le vieil Opimou, père des eaux, a bien besoin de remplir son urne tarie aux pluies du solstice dans les montagnes de la lune. Ce n'est rien de tout cela. Par les morceaux d'Osiris, si heureusement recousus, c'est un homme qui paraît marcher et patiner sur l'eau. L'on peut voir maintenant la nacelle qui le soutient, une vraie coquille de noix, un poisson creusé, trois bandes d'écorce ajustées, une pour le fond et deux pour les plats-bords, le tout solidement relié aux deux pointes, avec une corde engluée de bitume. Un homme se tient debout, un pied sur chaque bord de cette frêle machine, qu'il dirige avec un seul aviron qui sert en même temps de gouvernail. Et quoique la cange royale file rapidement sous l'effort de 50 rameurs, la petite barque noire gagne visiblement sur elle. Cléopâtre désirait un incident étrange, quelque chose d'inattendu. Cette petite nacelle effilée, aux allures mystérieuses, nous a tout l'air de porter sinon une aventure, du moins un aventurier. Peut-être contient-elle le héros de notre histoire? La chose n'est pas impossible. C'était en tout cas un beau jeune homme de 20 ans, avec des cheveux si noirs qu'il paraissait bleu, une peau blonde comme de l'or, et de proportions si parfaites qu'on eût dit un bronze de Lysippe. Bien qu'il ramât depuis longtemps, il ne trahissait aucune fatigue, et il n'avait pas sur le front une seule perle de sueur. Le soleil plongeait sous l'horizon, et sur son disque échancré se dessinait la silhouette brune d'une ville lointaine que l'œil n'aurait pu discerner sans cet accident de lumière. Il s'éteignit bientôt tout à fait, et les étoiles, belles de nuit du ciel, ouvrirent leur calice d'or dans l'azur du firmament. La cange royale, suivie de près par la petite nacelle, s'arrêta près d'un escalier de marbre noir, dont chaque marche supportait un de ces sphinx haïs de Cléopâtre. C'était le débarcadère du palais d'été. Cléopâtre, appuyée sur Charmion, passa rapidement comme une vision étincelante entre une double haie d'esclaves portant des fanaux. Le jeune homme prit au fond de la barque une grande peau de lion, la jeta sur ses épaules, sauta légèrement à terre, tira la nacelle sur la berge et se dirigea vers le palais.